épave. Sur les plages du temps, que de coquilles vides, que d'algues par la mer sans cesse rejetées, que de visages d'ombre aux éternelles rides, que d'ivresses au fond des heures avortées, que de songes dans l'âme infiniment livide, de soleil balayant les rives désertées.